Yo, j'avance un peu à l'aveugle, me disant que la soirée sera bonne. Équipé de mon paquet de clopes, de ma bonbonne. Les baskets lacées, la ceinture serrée au cas où. Je croiserai à l'occasion deux trois types du genre casse-cou. Je prends la première à droite, celle qui coupe l'hôtel de ville. Me faufile, fuyant les boîtes et les lieux un peu trop virils. Rue Sainte-Catherine et ses bistrots bon marché. Étape première pour gaspiller mon cachet. Quelques bafouilles échangées avec des gens qui, comme moi, préfèrent le goût de l'errance que de rouiller devant Koh-Lanta. Le voile se lève quand la nuit tombe. Lyon est une salope sous son sourire de joconde. Entre schlag, charclon et pute avide d'amour. À quand le guide du fêtard distribué place Belcourt. On squatte ses pavés vu que la culture se noie. Sous le poids d'un voisinage rétrograde et bourgeois. On tolère peu les dérives, verbalise à tour de bras. Ces braves qui bravent la loi dans le fond d'un verre de vodka. On s'accoutume de la vie nocturne sur la presqu'île. Freestyle pur au goût d'incertitude. Les scintitudes, les cernes s'incrustent. Les piliers persistent, tristes, tenant ces rues vétustes. Le soleil se lève enfin sur cette souricière, sous l'œil bienveillant de la colline de Fourvière. On s'accoutume de la vie nocturne sur la presqu'île, freestyle pur au coup d'incertitude. On s'accoutume de la vie nocturne. Je dépeins l'envers de ma ville, la ville au crayon de ma plume. Je disserte mes vers quand j'erre dans mes rues désertes. La caisse a sauté pour cause de créneau sur une desserte. Ça va te faire avec ma soirée de boîte. Je trace d'une soirée entre ambiance junk et strass. Stone, j'zone sur les quais du Rhône. Et tente de rassembler ce qu'il me reste de neurones. Au carrefour rien que ça klaxonne. Les prostituées du pont Wilson. Derrière les sons des jumpés qui résonnent. Vers l'opéra, pas de petit rat dans les alentours. Deux trois ivrognes dont les femmes n'apprécient plus les calembours. La place des terreaux semble vide de sens comme sa fontaine. Qu'on ne voit plus perdu au milieu des logos des enseignes. Tout comme les visages de ma ville que les fresques dépeignent. Les mauvaises habitudes des anciens résidents des têtes. Pas de fils qu'elle ne crée. Et quand Lyon montre les crocs, que les mafias de l'Est inondent les rues le soir de leur macro. Je suis accro à cette ambiance vite fait tendue. Donc bien entendu, on participe un peu au rendu. Ça gaffe quand ça se termine en garde. Pas grave, pas de grève. Que mes virées nocturnes et leurs brèves de braves. En bref, pas de bon disque. Car trop se trompe de parcours et tourneront comme la roue place Bellecour. De la presqu'île à Saint-F, blanc maghrébin ou quinf. Tu comprendras pourquoi la ville aux deux fleuves est ma nymphe. On s'accoutume de la vie nocturne sur la presqu'île, freestyle pur au coup d'incertitude. On s'accoutume de la vie nocturne. Je dépeins l'envers de ma ville, la ville au crayon de ma plume. On s'accoutume de la vie nocturne.